Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فنواصل بدرسنا في شرح أسماء الله الحسنى. وفي درسنا الأخير أخذنا بعض الأسماء، فمن يذكر منها تفضل. إن أسمين الأحد والواحد. الأحد والواحد، نعم. من يذكر دليلا على هذين الاسمين؟ زيد. قوله تعالى: قل هو الله أحد. نعم. وقوله هو الأول والآخر. قل هو الله أحد واسم الواحد. عند من يذكر دليلا تفضل. قوله تعالى: وهو الواحد القهار. نعم، وهو الواحد القهار. فما معنى هذين الاسمين؟ عند من تفضل. الأحد هو الذي توحد بجميع الكلمات كمالات كم الكمالات. أعد. الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات. نعم، الذي توحد بجميع الكمالات. ما معنى هذا الكلام؟ عند من تفضل بعدك. ليس له إن معنى هذا الكلام ليس له فيها مثيل ونذير. زيد. تفضل. هذا اسم يدلنا على أن الله عز وجل. ما معنى قوله وهو الذي توحد بجميع الكمالات؟ أحد وصل هذا الكمال في الصفات. أن صفات الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه الصفات فلله وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى واحد في صفاته. Il n'a pas de mathil. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui est identique سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. زيد. ثانيا. On explique toujours le اسم الواحد والأحد. تفضل. واحد في صفاته. تقدم. واحد في صفاته. On a dit لا مثيل له. ثم واحد في ماذا؟ في الكمال. نعم، لكن الكمال سيفاست. واحد في أنواع التوحيد الثلاث. زي بلوك على السيتي واحدا واحدا هنا فيني توحيد الأسماء والصفات. فهو واحد زيد الآن في ربوبيته لا شريك له. الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لهذا الكون. إلي أونيك في هذه الأمور. وهو واحد كذلك في ماذا؟ زيد؟ في الألوهية. نعم، في ألوهيته. واحد في العبودية، أي يكلوي كي ميغيت لادوراسيون سبحانه وتعالى. الإنسان إذا اعتقد سي لا كرويونس لا كونفيكسيون أن الله عز وجل سي الخالق سي الباري سي المصور سي المحيي سي المميت إلى آخره. وكذلك يعتقد أن هذا الخالق هذا الرب إلى دي نون دي زاتخيبي بارفي. Ça va impliquer, c'est ça, al-thamra, annahu il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Thumma, akhadna mada? On a pris deux autres noms. Atfaddal. Al-Aliyu wal-A'la. Tathkur dalilan sur un de ces deux noms. Dalil qawlu ta'ala, sabbih isma rabbika al-A'la. Ahsan, sabbih isma rabbika al-A'la. Et al-Ali من آية الكرسي. قوله تعالى هو العلي العظيم. أحسنت، وهو العلي العظيم. هذان الاسمان يغنفهم صفة ماذا؟ صفة استواء. صفة ماذا؟ صفة العلو. والعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Si tu as compris هذه الأقسام في الحقيقة هو السنس دي دون. فالله سبحانه وتعالى إلى علي في ماذا؟ في ذاته عز وجل. أي lui-même سبحانه il est au-dessus, c'est l'Ali, il est au-dessus de toutes les créatures. أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. أي il est فوق العباد, فوق المخلوقات, il est au-dessus de son عرش سبحانه. Le deuxième نوع, Cheikh Saadi les a cités les trois. الثاني, تفضل. علو القدر. نعم, علو القدر بتسكين الدال. فما معنى علو القدر؟ بمعنى الكمال, صفته الكمال. Ça ne suffit pas. فما لها صفة الكمال؟ النظر له صفة العلو. لن يمثل هذا الصفات على صفة خلقه. هذا تقدم. كيسكي ديتاي أكثر. أما علو القدر قال فهو علو صفاته. أولا تستفيد أن البعض يلابل علو القدر, البعض يلابل علو الصفات. هنا المراد بالعلو ليس صفة العلو فقط. تقدمت هذه الصفة dans le premier نوع, أن الله سبحانه وتعالى il est علي في ذاته. أي il est au-dessus, أو بذاته, il est au-dessus de toutes les créatures. صفة العلو. أما هنا c'est علو جميع الصفات. Ça veut dire quoi علو جميع الصفات؟ تفضل. نعم, بمعنى زيد. نعم, أن هذه الصفات لا نقص فيها, لا نقص فيها. سيدي صفات عالية, عالية عن ماذا؟ عن النقص والعيوب والضعف والمثيل والشريك والند إلى آخره. نعم, فالله سبحانه وتعالى صفات au-dessus comme on a dit de toute imperfection إلى آخره. فهذا علو الصفات. فلهذا قال عظمتها فلا يماثله صفة مخلوق ولا يقدر الخلائق كلهم ان يحيط به الى اخره. بالدغنيه نوع عندما تفضل اخي. علو القهر. علو القهر. كيسكي كوريج العباره. علو القهر. علو القهر. اما القهار ياتي معنا سنو طعم لنو الله سبحانه وتعالى, اما هنا علو القهر. فما معنى علو القهر؟ تفضل اكمل. أحسنت, أن جميع العباد تحت مشية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو القهار. Tout le monde est sous les ordres d'Allah سبحانه وتعالى. Personne ne peut sortir من ملك الله, faire ce qu'il veut. أبدا. الله إلا قدر, tu tombes malade, tu tombes malade. الله سبحانه وتعالى إلا قدر, qui fait froid, tu subiras le froid. لماذا؟ لأنه c'est le قهار, tu ne peux rien faire أنت. الله سبحانه وتعالى إلا قدر, que la nuit elle tombera. Dans quelques heures, elle tombera. Tu ne peux pas changer ces choses. C'est le qahar, azza wa jal. Ça nous montre qu'on est des ibad, du'afa, et on est des ibad li hadha al-malik, al-qahar, al-qawi, al-aziz. Tout ça, ça va donner une thamara azima, mahi. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs sont parfaits. Ils sont au-dessus de toute imperfection. Et كذلك ان الله سبحانه وتعالى c'est le قهار. كما سياتي معنا. Et سبحانه الى علو القهر. Et on est tous sous son jugement, sous ses ordres. سبحانه. Ça va impliquer ماذا هذا كله؟ ها تفضل. احسنت, الاستسلام لله والانقياد له, الخوف منه. كذلك المحبه, كذلك التعظيم. Tout ça. بإذن الله عز وجل on verra ensemble beaucoup de noms qui renferment ces sens. تقدم معنا أن certains noms ils englobent beaucoup de sens. Tu as un exemple هنا avec العلي والأعلى. صفة العلو englobe beaucoup de sens. تقدم معنا كذلك لفظ الجلالة, كذلك اسم الأحد. Tous ces noms ils englobent énormément de sens. من عنده شيء avant qu'on continue, c'est واضح. قال رحمه الله الأول والآخر والظاهر والباطن. قال رحمه الله فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا كاملا واضحا. Ces noms ils sont cités ensemble, الأول avec الآخر et الظاهر avec الباطن. Ils sont cités ensemble في القرآن قوله عز وجل وهو الأول والآخر والظاهر والباطن من سورة الحديد. الشيخ رحمه الله قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا كاملا واضحا. تستفيد من هذا أن سنو تتخفغ التفسير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن الكريم. كذلك تتد de la parole des imams de la sunna. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles في هذا الباب. لأن البعض ils se sont égarés. المحرفة المؤولة المعطلة ils se sont égarés في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم كثروا الكلام. كذلك تكلفوا بعض الأشياء. Ils ont pensé que certaines ma'ani, ça impliquait la ressemblance et ils se sont sentis obligés de nazzah Allah subhanahu wa ta'ala ani tamthil. Enfin, ils ont cité des sens pour montrer qu'Allah ne ressemble pas à la créature et ils se sont égarés. Enfin, النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء الأربع بتفسير كامل واضح. On n'a pas besoin de falsafat al-jahilin wa dhalal al-munharifin fi hadha al-bab. فلهذا هذه الرسالة الشيخ سعدي رحمه الله avec ses أقوال أو les noms qu'il a expliqué في تفسيره رحمة الله عليه فتفسير جميل مختصر مفيد. Je n'ai pas besoin de كثرة الكلام في هذا لأن أكثر هذه الأسماء المعنى لواضح. L'essentiel c'est العمل, l'essentiel c'est التطبيق, l'essentiel c'est التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء أي بالمعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول أي أنت أي الله عز وجل, أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, إلى آخر الحديث. الحديث أخرجه الإمام مسلم كما في الحاشية. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال avant de lire كلام الشيخ سعدي رحمه الله pour que tu aies une فائدة من حيث المعنى الإجمالي de ces quatre noms. قال رحمه الله كما في مختصر الصواعق هذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان لأزل الرب تعالى وأبده وإسمان لعلوه وقربه. C'est pour ça que هذه الأسماء الأربعة تفيد الإحاطة, إحاطة الله سبحانه وتعالى المكانية والزمنية كما نظر. قال الشيخ أو الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأسماء الأربعة متقابلة, أي سي الأول للسيتي فهم سيت الآخر, سي الظاهر للسيتي هم سيت الباطن. Les deux premiers, إسمان الأول والآخر, c'est لأزل الرب تعالى وأبده. تستفيد من هذا الإحاطة الزمنية. أي الله c'est le premier. المراد هنا بالأول c'est الأزل. الأزل c'est ce qui n'a pas de début. Ne pas comprendre أنه c'est le premier, أنه عيادا بالله il était précédé par le néant. أبدا. الأول أي الذي ليس قبله شيء بمعنى الأزل, أي ce qui n'a pas de début. فالله سبحانه وتعالى il a toujours existé, c'est الأول. قوله والآخر, قال ابن القيم رحمه الله وأبده. Vous connaissez le mot أبدا, c'est souvent cité dans le Coran, خالدين فيها أبدا. الأبد c'est ce qui n'a pas de fin. فالله سبحانه وتعالى c'est الآخر, أي لإترنال عز وجل. هذه المعاني العظيمة, الأول بمعنى الأزلية كي نبقى دو ديبو, الآخر بمعنى الأبدية كي نبقى دو فن, تفيد ماذا؟ تفيد الإحاطة الزمنية. أي الله سبحانه وتعالى سي المحيط كما سيأتي معنا اسم المحيط إلي ثابت لله عز وجل. الإحاطة إحاطة الزمن أولا, أي سي تو سكي سباس dans ce temps. L'imam Ali Anna, c'est le premier, c'est le dernier. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Il est capable de tout. Subhana. ثم قال لي دو زوتخ نو واسمان اي الظاهر والباطن لعلوه. الظاهر سياتي معنا انه بمعنى العلو فسوف ressembler à la معنى de العلي والاعلى ان الله c'est الظاهر اي il est au-dessus de ses ibad. Et قوله الباطن سياتي معنا ان المعنى الباطن اي ça ressemble au nom al-qarib. Et كذلك سنون سياتي معنا. وهذه المعاني اي الظاهر والباطن تفيد الإحاطة المكانية. الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de sa créature. Il n'est pas mélangé à sa créature كما يقول الظالمون. Et مع ذلك il est au-dessus et كذلك c'est le باطن il est قريب. Il sait tout ce que tu fais. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce que tu penses. بل il savait tout cela avant de t'avoir créé. أخي الكريم. Donc هذا تستفيد de ces quatre noms إحاطة زمنية ومكانية. Dans le temps et كذلك dans le lieu. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le muhit. Si tu as compris هذه المعاني العظيمة ça va donner une ثمرة عظيمة pour ton cœur. Un fruit عظيم dans ton cœur et بإذن الله عز وجل ça va se voir sur tes membres. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل qu'on lira بإذن الله عز وجل ensemble في هذا الدرس. أولا on revient, si vous avez compris هذا on revient au كلام de الشيخ سعدي قال ففسر أي النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم بكل معناه ونفع عنه كل ما يضاده وينافيه. نعم vous avez remarqué que النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول إلى montré le معنى c'est الأول ثم نفى فليس قبلك شيء أي نفى أنه يا une chose qui était avant Allah subhanahu wa ta'ala أبدا الله c'est le premier. قال فمهما قدر المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات السابقة المتسلسلة إلى غير نهاية فالله قبل ذلك. Même si tu viens réfléchir أن telle créature elle était avant ثم telle créature elle était avant ce qu'ils appellent التسلسل فاعلم ان الله سبحانه وتعالى il était avant toutes ces créatures. لماذا؟ لانه c'est l'awwal. اما la créature là chaque elle avait un début. C'est une créature Allah il a créé à partir de rien. اما الله سبحانه وتعالى c'est le khaliq et c'est l'awwal. Donc تستفيد من هذا ان الله سبحانه وتعالى c'est le premier l'awwal. قال وكل وقت لاحق مهما قدر وفضر الله بعد ذلك. نعم اي ça c'est ça c'est l'inverse de le premier. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-akhir, c'est le dernier. Et taqaddam ma'ana anna al-ma'ana c'est ce qui n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala il est éternel. Qad yaqul qa'il anna certaines créatures kadhalik elles seront éternelles. Tout ça c'est bi qadri Allah subhanahu wa ta'ala wa hukmihi wa iradatihi. C'est al-akhir qui a voulu que certaines créatures elles seront éternelles. Et ces créatures, elles sont éternelles. لأن الله سبحانه وتعالى c'est l'akhir. Donc ces créatures, même si elles sont éternelles, ça reste des créatures et elles ont besoin d'Allah سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى c'est l'awwal, c'est l'akhir. Il a besoin de personne. كذلك ces créatures qui sont éternelles, elles goûteront la mort. كما تقدم معنا dans nos دروس في مراحل الآخرة. أن الله سبحانه وتعالى il restera seul. ويقول أين ملوك الأرض أين الجبارين إلى آخره الحديث. قال ولهذا لا يستحق اسم واجب الوجود إلا هو. هذا لي أسكن فيان دو سيتي. وهذا التقسيم واجب الوجود وممكن الوجود سي تقسيم دو المعتزلة الضلال. لكن بعض العلماء لو سيت بوغ اكسبليكي أن الوجود il est على قسمين. الوجود c'est l'existence. القسم الأول واجب الوجود. الواجب c'est obligatoire. الوجود c'est l'existence. أي cette existence elle est obligatoire. أي لا بد منها. أي l'existence d'Allah سبحانه وتعالى. C'est الأول c'est الآخر. Toutes les autres créatures elles sont ممكن الوجود. ممكن ça veut dire c'est possible. أي cette créature elle peut exister Et elle aurait très bien pu ne pas exister. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu qu'elle existe. Et elle aurait très bien pu ne pas exister. Elle n'est pas indispensable. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq. Fa wujuduhu, il est wajib. Amma le makhlouq, fa il est mumkin. Et هذا التقسيمات كما تقدم. C'est من تقسيمات بعض الضلال, لكن بعض العلماء il le cite, فلا بأس de l'expliquer. قال فمن خصائصه أنه لا يكون إلا موجودا كاملا فلا يشاركه في وجوب الوجود أحد فوجب وجوده نعم أو فوجوب وجوده بنعوته الكاملة في جميع الأوقات وهو الذي أوجد الأوقات وجميع الموجودات وكلها مستندة في وجودها وبقائها إلى الله سبحانه نعم هذا سأجيبون على question أن البعض peuvent se la poser أن par exemple l'être humain il sera éternel فريق في الجنة وفريق في السعير لكن هذا الوجود bien sûr c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a qadr ça change rien au sens de الآخر الله سبحانه وتعالى سغست الآخر لدغني سبحانه et on répète أن الأول c'est بمعنى الأزل qui n'a pas de début والآخر c'est بمعنى le dernier أي الأبد qui n'a pas de fin ne pas comprendre premier dernier avec une limitation dans le temps أبدا لأن الله عز وجل له صفة الكمال il fait ce qu'il veut et il est parfait enfin, il a toujours existé il existera toujours avec ce صفات سبحانه وتعالى ثم après cela ذكر رحمه الله معنى مختصر pour chacun de ces noms قال فالأول يدل على أن كل ما سوى حادث كائن بعد أن لم يكن يدل على أن كل ما سوى حادث أي مخلوق quelque chose de حادث c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est arrivé ça ressemble à معنى مخلوق كائن بعد أن لم يكن et c'est ça معنى ممكن الوجود فالله سبحانه وتعالى c'est l'أول il a toujours existé تستفيد من هذا أن autre qu'Allah et les créatures فforcément elles ont eu un début وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله وليس شيء معه كان الله وليس شيء معه الله il existait il n'y avait rien avec lui ثم قال وكان عرشه على الماء et dans un autre hadith أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم quand Allah سبحانه وتعالى il a créé le قلم أي le قلم avec lequel سبحانه وتعالى tout a été écrit ce قلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة Ça montre que même le qalam il a eu un début. Le qalam avec lequel le destin il a été écrit, il a eu un début. Limadha li anna al-qalam, la plume, c'est une créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Fama min makhluq, que ce soit un ange ou autre, ou un djinn ou un être humain, mi bab awla, il a eu un début. Mathalan, les humains ils ont eu un début, c'est Adam. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé. Thumma, il y a eu beaucoup d'êtres humains ba'da dhalik. أما الله سبحانه وتعالى الأول إلى toujours existé. قال وبوجوب العبد أو ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه وفي كل نعمة دينية أو دنيوية إذ السبب والمسبب منه تعالى. إلى cité le sens رحمة الله عليه أن الله c'est le premier. Et le premier, on répète, c'est bima'na al-azal, qui n'a pas de début, il a toujours existé, subhanah, contrairement à la créature. Thumma, il a cité al-thamra, al-azima de hada al-ism. Mada testafid? Qala, rahimahullah, wa yujibu lil-abd. Si tu as compris ce sens, an Allah, c'est l'awwal, c'est le premier, qui n'a pas de début, il a toujours existé. Hada, normalement, celui qui a compris ce sens, ça va le pousser à ماذا أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية. Ça va nous pousser à reconnaître et à accepter et à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les ni'am qu'il nous a données. On n'était rien, il nous a créé. On ne connaissait pas le dîn, il nous a facilité. On ne connaissait pas l'islam, Walillahi alhamd, on est devenus des musulmans. On est sortis du ventre de nos mères, on n'avait rien. Al-an, walillahi alhamd, on a certaines choses. Tu t'habilles, tu manges, tu as un toit. Rupama, tu as moyen de transport, tu as certaines choses. Tout ça, c'est minallah. Pourquoi l'annahu, c'est l'awwal? Même si tu viens à réfléchir par rapport aux causes, là, chaque tu existes, il y a une cause, c'est tes parents. Là, qui tes parents, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés. Les grands-parents, même si tu vas monter jusqu'à Adam. Adam, c'est Allah qui l'a créé. Donc, le sabab, c'est Allah qui l'a créé. Donc, ne surtout pas oublier, comme ils font certains, Rabbul Asbab. Bien sûr, la cause, si c'est une cause shar'iyya, si c'est une cause qui n'a pas de haram, on ne doit pas négliger, être négligent totalement envers les causes. Là, la cause, on la laisse à sa place. Maintenant, nos parents, ils ont un fadl azim. C'est la cause de notre existence. On doit avoir un bon comportement, on doit les respecter. On doit les aimer, fillah, si c'est des musulmans. Si ce n'est pas des musulmans, on doit tout faire pour essayer de leur montrer hada, ad-din, wal-khayr. Et ça reste une cause. C'est pour ça que cette cause, si elle n'obéit pas à Allah, elle n'adore pas Allah Azza wa Jal, les parents, on les déteste, fillah. Il y en a, ça reste une cause. Il y en a, celui qui nous a créés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'al-fadl lahu jami'an, Azza wa Jal. Qala, ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية. C'est pour ça qu'en exemple on a cité les deux. L'islam c'est une ni'ma dinia, l'istiqama, l'huda, et dunyawiya, on a cité que tu manges, tu as un logement, peut-être que tu as un moyen de transport. Enfin, tout ça c'est des ni'ma. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les a donnés au abd. وما بكم من نعمة فمن الله. وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعمه سنعمه الرب اما les autres c'est des causes فقط. قال اذ السبب ثم الشيخ سعدي رحمه الله لا سيتي لا كوز اذ السبب هو المسبب منه تعالى اي pour te montrer en a bien sûr qu'on sait qu'il y a des causes لكن ces causes et celui qui les fait c'est min Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité. On a donné l'exemple de notre création. Bien sûr les causes c'est la cause c'est les parents. Là que les parents eux-mêmes ils ont été créés. Enfin, tu vas monter jusqu'à Adam. Adam c'est quoi la cause? Adam c'est Allah qui l'a créé biyadi. Usjud lima khalaqtu biyadi. Adam il n'a pas de parents. Ça nous montre que si Allah il veut une chose, hatta Adam cet être humain il n'a pas de parents, il n'y a pas de cause. C'est Allah qui a voulu le créer. Et Adam c'est Abu al-Jami', c'est le père de tous les êtres humains. Donc ça montre un sabab wa al-musabbib. C'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la thamara de hada l'ism, c'est qu'on doit être reconnaissant. Toutes les ni'am que tu as, akhi al-karim. Limadha li anna l'awwal, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décidé de te donner ces choses. Qala wal akhir yadul ala annahu huwa al-ghaya wa samad alladhi tasmud ilayhi al-makhlouqat bita'ahuliha wa raghbatiha wa rahbatiha wa jami' matalibiha. Ma yata'allak bis samad فبإذن الله عز وجل يأتي سيأتي معنا هذا الاسم قل هو الله واحد الله الصمد. C'est un اسم عظيم qui renferme beaucoup de معاني. قوله يدل على أنه هو الغاية أي قوله الآخر. فتأمل سيدنا الأول. Si on prend l'exemple de notre création, c'est une ni'ma من الله qu'Allah nous a créé. C'est minallah, c'est l'awwal. Donc on doit être reconnaissant. Al-akhir yadul ala annahu huwa al-ghaya. Al-akhir al-thamar al-azima pour le mu'min annahu il va faire des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'annahu c'est al-ghaya. C'est pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour dunya. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Là tu as été créé, c'est une ni'mat Allah, et l'objectif c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تَأَمَّ الْكَلَامِ الْإِمَامِ Ibn al-Qayyim رحمه الله. نعم, on a lu مَا يَتَعْلَقْ بِالْأَوَّلْ وَالْآخِرِ et on essaye de résumer la parole d'Ibn al-Qayyim sur ces deux noms. ثُمَّ inshallah on passe aux deux autres. Il y en a, comme on a dit au départ, الأول سبا بك الآخر والظاهر سبا بك الباطن. قال رحمه الله كما في كان له طريق الهجرتين. نعم هذا المجلد on en a parlé la dernière fois, أي les paroles de l'imam ibn al-Qayyim في الأسماء في أسماء الله عز وجل. قال, on reviendra à la fin, faites-moi penser à Annahu, il a cité un kalam jamil sur les quatre noms, sur l'ihata, al-zamaniya ou al-makaniya. On aurait pu le citer avant, lakin là, on le laisse à la fin et ça nous fera résumer tout. Alors on revient à son ism al-awwal, ism al-awwal. Qala waqsur hubbak wa taqarrubak ala man sabaqa fadluhu wa ihsanuhu ilayk كل سبب منك. Ça c'est thamarat. On revient à l'awwal. Anna hubbak wa taqarrubak, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné min fadl wa ihsan, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li anna, c'est l'awwal, c'est le premier. Mathalan, si Allah il t'aurait pas créé, tu n'aurais eu aucune ni'ma. Ça montre anna aslu hadhihi ni'ma, bien sûr ça vient min Allah. Et toutes les ni'am, ça vient min Allah. قال بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعها. حتى الأسباب, حتى الأسباب, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité. مثلا, tu as appris le din par l'intermédiaire de tel shir. Qui c'est qui t'a facilité? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce shir, c'est Allah qui l'a créé. Ce shir, c'est Allah qui lui a facilité de rester en vie. حتى tu profites de lui, tu écoutes. Al-fadl, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, sans oublier la cause, si c'est une cause tayyiba, nafi'a, ila akhari, on n'oublie pas, la yashkurullah, man la yashkurun nas. Lakin, chaque chose a sa place. Qala, rahimahullah, wa awsalak biha ila ghayatika al-mahmouda, fatawakkal alayhi wahda, wa amilhu wahda, wa athir ridah wahda. Ta'ammalu hadhihi al-ma'ani al-jamila. Vu que c'est l'awwal, fait tout pour le satisfaire. Fais attention à ne pas vouloir satisfaire les autres. Il y en a, celui qui veut satisfaire les autres, il aura du mal à satisfaire Allah Azza wa Jalla. Il y en a, les gens, tu ne pourras pas les satisfaire. Hada, il veut telle chose, hada, il veut une autre. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut une chose, fais attention de ne pas délaisser la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celle d'un autre. Si tu repenses à ce ism al-awwal, ça va t'aider. Anna hadha al-bashar, qu'est-ce qui t'a donné? Qu'est-ce qui t'a fait? Même s'il t'a donné, il t'a fait certaines choses, c'est bi-idhnillahi azza wa jal. Falihada, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'obéir à nos parents fi ma'asiyatihi azza wa jal. Dans une ma'asiyah. La ta'a li makhluq fi ma'asiyatil khaliq. Limadha? Li'annahu, c'est l'awwal. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de faire telle chose. Mathalan, de faire as-salat. Tes parents, ils te disent, là, on ne veut pas que tu fasses salat. On ne veut pas que tu rentres dans ce din. Si tu as compris al-awwal, ça va te faciliter. Ta'atullah, elle passe avant. Limadha li'annahu, c'est l'awwal. Enfin, tes parents, dans ce cas-là, tu dis là. Anna, j'adore un rabb azim. C'est l'awwal. Il existait, on n'existait même pas. Maintenant, vous êtes un sabab faqat. Donc, l'obéissance d'Allah, elle passe avant. Hada, ma'na hada l'is. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité quelques thamarat azim. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec hada l'ism. قال رحمه الله فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك. نعم, celui qui a حقق هذه المعاني dans son cœur et qui les met en application, فلا شك أنه يفرق partie de الفائزين. ثم إلى cité le deuxième اسم الآخر. قال ثم تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه. Vous avez remarqué le même mot que Cheikh Saadi il a employé. أن الله سبحانه وتعالى c'est le غاية. Ça veut dire quoi هذا؟ قال ولا مطلوب لك وراءه فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر فكذلك يجعل نهايتك إليه فإن إلى ربك المنتهى وإليه انتهت الأسباب والغايات فليس وراءه مرما ينتهي إليه. قال فتأمل عبودية هذين الاسمين. Il va citer un كلام جميل sur les deux noms, الأول والآخر. قال وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سوى وأن الأمر ابتدى منه وإليه يرفع. فتأمل هذا, الأول والآخر. الله سبحانه وتعالى C'est le premier, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la akhirah. Et kadalik, c'est le ghaïa. Tu dois l'adorer et tu rendras des comptes. Fata'ammal hadha al-ism. Ou hadhain al-ismain. Et fil haqiqa, ça te fera réfléchir sur ta vie. En fait, tu as un début. Tu as été créé, tu étais un enfant, tu es sorti du ventre de ta mère. Et la akhirah, thumma tu goûteras à la mort. Thumma tu auras, c'est la fin, c'est ta première fin, fi dunya. Thumma tu seras ressuscité. Thumma il y aura une autre fin. Si on peut appeler cela une fin, et la fin des comptes. Et la fin de la deuxième demeure. Tu as trois demeures. Tu as la première, c'est Hayat al-Dunya. Il y a un début, c'est la naissance. La fin, c'est la mort. Ta'ammal fi hadha. Thumma la deuxième demeure, il y a un début. C'est la résurrection. Et la fin, c'est la fin des comptes. Imma al-Jannah, imma al-Nar. Et certains rentreront fi al-Nar. Et bi fadlillah, azza wa jal, ils sortiront. Thumma il y a une troisième demeure. Le début, c'est rentrer fi al-Jannah. Et on ne parle plus de ceux qui sortiront min al-mu'minin. Au niveau de l'éternité, ça ne s'arrêtera plus. Et n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal, celui qui t'a créé, celui qui t'a facilité, c'est l'akhir. Toute chose reviendra à lui. Et on rendra tous des comptes. Qala rahimahullah. Fahuwa. المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة. Prends l'exemple de les êtres humains. On a tous une cause des parents. Le premier être humain, Adam, il n'y a pas de cause. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Donc, l'existence de tous les êtres humains, c'est بفضل الله عز وجل وحده. قال وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول كل شيء وآخره وكما أنه رب كل شيء وفعله وخالقه وبارئه فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته وحده. Je veux réussir, أخي الكريم, n'oublie pas أن الله celui qui t'a créé, celui الأول. Et n'oublie pas كذلك أن الله عز وجل, tu dois l'adorer, c'est الآخر. قال كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده هو ربه وخالقه وكذلك لا كمال له ولا صلاح إلا بكونه تعالى وحده هو غايته ونهايته ومقصوده فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات. Ça c'est un résumé. تأملوا. Allah c'est le premier et il a créé toutes les créatures. وهو الآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتها. Faut ne pas oublier هذا. Allah c'est l'أول. Il nous a créé et c'est l'akhir. Et notre objectif, ça doit être de le satisfaire. L'imada li annahu c'est l'akhir. Et on aura une fin. Et on aura des comptes à rendre. Et kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé deux demeures éternelles. Ceux qui lui obéissent, ils rentreront fil jannah. Et ceux qui n'ont pas voulu croire, qui n'ont pas voulu lui obéir, ils rentreront fil nar. Wallah al-musta'an. Qala wa akthar al-khalq. تعبد له باسمه الأول هذه فائدة عظيمة أن أكثر الخلق إذن ركنوا معنى الأول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ils diront Allah. Ils reconnaissent هذا أن الله c'est الأول et c'est lui qui a tout créé. Et en tant qu'être humain, نحن on est des créatures parmi les créatures d'Allah. فأكثر الخلق تعبد له باسمه الأول. قال وإنما الشأن في التعبد باسمه الآخر. لكن l'essentiel et le plus important, c'est d'adorer Allah سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه الآخر. قال فهذه عبودية الرسل وأتباعهم. أما reconnaître que c'est Allah l'أول. مثلا si on قدرنا أن ندخل ما يدين عبد. أنا je sais que Allah c'est l'أول. Celui qui m'a créé, j'étais rien. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Lakin il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ghayatou, son objectif, c'est pas l'obéissance d'Allah, l'amour d'Allah, satisfaire Allah. Il a akhiré. Hada, c'est pas un mu'min. Et sa reconnaissance en Allah, c'est l'awwal, elle lui sera d'aucune utilité. Hada ma'na kalamihi. Qala fa hadhihi ubudiyatu ar-rusul wa atba'ihim. فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده كلام قوي وكلام جميل من أحسن من شرح أسماء الله عز وجل الإمام ابن القيم fait partie de ceux qui ont le mieux expliqué les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous ceux qui sont venus après lui استفادوا منه أما ceux qui étaient avant lui, il y avait des أئمة أعلم منه وأفضل منه لا شك. لكن ceux qui sont venus après lui, n'importe quel livre que tu prends الآن في شرح الأسماء الحسنى, لابد ولا شك أن المؤلف استفاد من الإمام ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأنه c'est devenu une référence في باب العقيدة في هذا الباب أكثر في باب شرح أسماء الله عز وجل. تستفيد من هذا أن si tu veux comprendre هذه الأسماء tu n'as pas besoin de lire tous les livres. الآن il y a beaucoup de livres, beaucoup d'explications, beaucoup de ça soit en poésie. Reviens, fais des efforts pour comprendre l'arabe, fais des efforts pour comprendre ta aqida et reviens au livre de l'imam al-Qayyim rahimahullah. Et alhamdulillah, tu n'auras pas besoin de lire tous les livres qui sortent des auteurs contemporains. لما لا لأنهم يستفيدون منه فرمي على السورس ومي على باز الحمد لله ستستفيد خيرا كثيرا. ومي على قول الشيخ سعدي قال رحمه الله والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظماته من ذوات وصفات وعلى علوه. نعم الظاهر دونك إلى ستي دو سنس يدل على عظمة صفاته إلى آخره. سيأتي معنا اسم عظيم في هذا, اسم العظيم من أسماء الله سبحانه. كذلك يدل هذا الاسم الظاهر على علوه. Donc ça va revenir au sens de العلي والأعلى. وهذا تقدم. قال والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء. من معاني الباطن أن الله سبحانه وتعالى إستو. Donc ça va ressembler au اسم العليم. قال كذلك اسم المحيط. قال والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء. فالله سبحانه وتعالى سي الباطن فيعلم السر وأخفى. يعني aucune différence عند الله entre الشهادة والغيب. عالم الغيب والشهادة. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il n'y a aucune différence entre le passé, le présent et le futur. C'est al-batin, c'est l'alim subhanahu. Qala wa al-batin li anna Allah, ou qabla dhalik, kama yadul ala kamali qurbihi wa dunuwih. Hada al-ma'na, ça va ressembler au ism al-qarib, c'est min asma illahi subhanahu. سيأتي معنا إن شاء الله. ولا يتنافى الظاهر والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت فهو العلي في دنوه القريب في علوه. هذه فائدة تقدمت معنا كثيرا أن اسمه هو الباطن يا أكن كونتراديكسيون avec اسم الظاهر. الظاهر من معانيه أن الله il est au-dessus. الباطن من معانيه أن الله سبحانه وتعالى il est proche وهو معكم أينما كنتم. الله il est avec vous où que vous soyez. Et كذلك on a des adillas أن الله سبحانه وتعالى il est à l'arche, al-Rahman ou à l'arche istawa. Il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, et kadhalik, il est très proche de ses serviteurs. Bi'ilmi, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Il n'y a aucune contradiction. Et hada, taqaddam ma'ana dans certains durus sur l'aqida, et inshallah, ça viendra avec nous. Dans certains durus, on verra ensemble avec un peu plus de détails. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, الظاهر إلى ستي المعنى. ثم قال فإذا تحقق العبد علوه والمطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس شيء فوقه البتة وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء والأرض أو من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صار لقلبه أمما يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه. هذا فائدة عظيمة pour le mu'min, أنه il doit savoir أين الله. Si le mu'min il sait أين الله, il sait qu'Allah il est في السماء, et كذلك il sait qu'Allah il le voit, il l'entend, il sait tout, فلا شك أنها أنه ça sera pas comme un autre. Il ne sait pas où est Allah. Et كذلك il a un ضعف في المراقبة. أن الله سبحانه وتعالى سر راقب سر سميع سر بصير il voit, il entend, il a آخر. Ça ne sera pas les deux mêmes hommes. أبدا. فلهذا قال بخلاف من لا يدري أين ربه. فإنه ضائع مشتت القلب. C'est pour ça que tu trouves من أفجر الناس وأفسق الناس وأضعف الناس, c'est ceux qui disent Allah il est partout. الصوفية الضلال الاتحادية الحلولية بعض غلاتهم كابن العربي et d'autres يقولون أن il voit un عبد marcher et il dit c'est Allah. Pourquoi? لأن pour lui يعتقد من عقيدة باطلة وحدة الوجود أن tout ce que tu vois c'est Allah. Pour eux Allah il est partout. بل pour eux Allah c'est tout. حتى قال ابن العربي et d'autres من زنادقة الصوفية, هؤلاء ليسوا أكثر من اليهود والنصارى, ما تحت الجبة إلا الله. الجبة qui portait comme si tu dis أنا قميص, il prétendait أن sous ce قميص c'est Allah. Et il parlait de lui-même. لماذا؟ لأنهم ils avaient une عقيدة أن الله il est partout, Allah il est dans lui. Donc c'est Allah. بعض زنادقة الصوفية الملاحدة, واحد منهم مرة il a vu un chien aboyer et il a fait التسبيح سبحانك, أي le chien pour lui c'était Allah سبحانه. فزنادقة, c'est quoi ce niveau qu'ils ont atteint في الكفر, c'est devenu pire que des juifs et des chrétiens. لماذا؟ لأنهم ils se sont pas soumis au texte et ils ont délaissé هذه العقيدة العظيمة et ils donnent plus aucune importance. C'est pour ça que هؤلاء quand ils arrivent à un certain niveau في الكفر والضلال, ils pensent à eux-mêmes, ils n'ont plus besoin d'adorer Allah. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent al-yaqin, ou abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Pour eux, c'est un certain niveau, et fait le haqiqa, c'est le kufr. C'est pour ça que, ils font plus salat, ils font zina, ayyadun billah liwad, ils mentent, ils agrèrent, les madan, et eux-mêmes, ils sont plus concernés pour eux par les ordres. Il n'y a plus hadhihi al-azma fil qalb. Ils n'ont plus peur d'Allah. Les madan, ce point, قال ibn al-Qayyim rahimahullah, on répète son kalam, بخلاف من لا يدري أين ربه, celui qui ne sait pas où est Allah, فإنه ضايع, ضائع, ضائع c'est quelqu'un de perdu, مشتت القلب, نعم, comment il va adorer et il ne sait pas où est Allah. C'est pour ça que المؤمن, le fait qu'il sache que Allah il est au-dessus, يستفيد كثيرا كثيراً. Tu sais qu'Allah il est au-dessus, toujours il est au-dessus de toi, il te voit, il t'entend. Et مع هذا c'est le batin, il est قريب. Il est قريب بعلمه. Et c'est ce qu'il y a dans ton cœur. فَلَا شَكَنَا الْمُؤْمِنِ يَسْتَفِيدْ كَثِيرًا. أما واحد, عياذاً بالله, il n'a pas cette عقيدة. فَلَا شَكَنَهُ, il peut atteindre un niveau plus bas que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les يهود والنصارى. Et tu as un exemple avec زنادقة الصوفية والروافض. أخزهم الله. قال فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. نعم, هذه السماء c'est comme une qibla pour ton cœur, قبلة العبادة, أي دائما يتوجه ton cœur إلى العلو خائفا ورغبة ورهبة ورجاء. Tu as peur, tu espères, دائما ton cœur il est dirigé vers al-ulu. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus des cieux. ثم قال رحمه الله والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه من في حوائجه وملجأ يلجأ إليه, فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته. واحد il a compris أن الله c'est الظاهر, il est au-dessus, سبحانه وتعالى, il le voit, il l'entend, il est قريب منه, ولا شك, il va corriger beaucoup de choses, il va faire attention à beaucoup de choses. C'est pour ça que أهل السنة il donne beaucoup d'importance à cette صفة, صفة العلو, لأن من حققها يسرع على خير عظيم. ثم إلى ستة une dernière فائدة في اسم الباطن, قال وباب هذه المعرفة والتعبد, أي المعرفة أن الله الظاهر والباطن, أنه الأول والآخر. Si tu as compris هذا et tu as acquis ces connaissances, قال والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى بالعالم وعظمته. Si tu as compris هذا, tu vas comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le muhit. Ça veut dire quoi le muhit? Allah subhanahu wa ta'ala قد أحاط بكل شيء علما, Et c'est le muhid, comme ça y a-t-il ma'ana à nous. Sifatul ihata. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il traduit, il a tout cerné. Que ça soit dans le temps, c'est l'awwal et l'akhir, ou dans l'espace, dans le lieu. Il est au-dessus de toutes les créatures et il sait tout. Si tu as compris hada, est-ce que tu peux t'enfuir? Est-ce que tu peux faire une chose, Allah ne te voit pas? Est-ce que tu peux échapper au jugement? Abadan. Tu es cerné de toutes parts. Que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Aïn al-mafar. C'est pour ça que celui qui a haqqaq hada, la chaque va se soumettre. Un être humain l'âme, un être humain va'if, s'il te coince dans un endroit, et il te dit de faire certaines choses, Obama, tu vas les faire, les annakat et mukra. Il t'a enfermé dans une pièce, il t'a attaché, la ahad peut te sauver, illallah. Peut-être que tu vas faire certaines concessions, il te voit, il t'entend, il dort jamais, il voit tout, il sait tout, il est capable de tout. Limada s'entêter. Limada vouloir, harbun. Ils ont déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec des ma'asi ou directement. Ils l'insultent, ils se moquent. Ba'dahum, ils se moquent de la mort, ils se moquent de l'enfer. Et ils défient Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le halim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-qawi, c'est l'aziz, c'est le jabbar. Et le jour où il jugera ha'oula, ils regretteront. Kama taqaddam ma'ana katiran. Hadihi, ba'd al-ma'ani de ces quatre noms. Voilà, si on résume avec son premier kalam. Qala wa madaruha. Les quatre noms. Al-awwal, wal-akhir, wal-dahir, wal-batin. Ala al-ihata. C'est ce qu'on vient de citer. Qala wa hiya ihatatan. Il y a deux ihata. Zamaniya wa makaniya. Al-ihata est traduit par cerné. Et tu as compris un tel ma'na. Walillahi alhamd. Qala fa ahatat awaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil qabl wal ba'd. Vous connaissez le mot qabl et vous connaissez le mot ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout cerné qabl wa ba'd. Aïe, c'est l'awwal qui n'a pas de début, c'est le dernier qui n'a pas de fin. Dans le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait tout, qui gère tout, qui est capable de tout. Fais attention de ne pas vouloir t'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa kullu sabiq intaha ila awwaliyatihi wa kullu akhir intaha ila akhiriyatihi wa ahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awwal wal awakhir wa ahatat dhahiriyatuhu wa batiniyatuhu bi kulli dhahir wa batin fa min dhahir illa wallahu fawqa. Ça va te pousser à ne craindre personne, illallah. Wahid yatakabbar, wahid, il te dit certaines choses, il va te faire peur. I'lam, n'ai aucun doute, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est aqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de lui. Il ne peut rien te faire que si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Qal wa ma min batin illa wallah duna. Allah subhanahu wa ta'ala, il est aqrab mink min nafsik. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que toi ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu penses. Fama baluk un autre. Donc, fil haqiqa, fi hada al-bab, il n'y a qu'un hal. Celui qui veut s'en sortir, c'est se soumettre. Et pour se soumettre correctement, il faut du ilm. Et le premier ilm qu'on doit étudier et donner de l'importance, c'est hada al-bab. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ma baluk, réfléchis un tel, si hadhihi al-asma serait enseignée partout dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les masajid bien sûr, les pères de famille. Est-ce que l'Ummah, elle serait dans la même situation? Abadan. Abadan. Ba'dannas, là, ils sont ba'id an hada. Son cœur, il a tellement durci qu'il oublie hada. Allah, il est au-dessus, il le voit, il l'entend. Anahu, il rendra des comptes. Là, il est rentré, fait de dunya, khalas. Et c'est ça qui nous fait du mal. Et nous, on doit faire des efforts et on ne désespère pas. Et on étudie et on essaie d'enseigner, on essaie de propager هذا العلم العظيم. قال رحمه الله ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية. C'est un résumé de هذه المعاني العظيمة. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Antahyanan, s'il y a quelque chose devant toi, tu ne peux plus voir ce qu'il y a après. Tu ne connais pas l'invisible. Tu es limité jitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Il n'y a pas de hijab, une chose qui va l'empêcher de voir. Abadan. Qala rahimahullah, wal ghayb indahu shahada. L'invisible pour lui, c'est comme le visible, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout, il voit tout. Wal ba'id minhu qarib. Al-ba'id pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qarib. Limadha li'annahu c'est le qarib. Et Azza wa Jal, c'est le batin. Il n'y a rien qui est loin pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'annahu, il est au-dessus de son trône. Et ça ne se contredit pas, fi haqqillah. Pourquoi? Li'annahu, il a les attributs parfaits. Wassir indahu a'alaniya. Anta, si quelqu'un baisse la voix, si quelqu'un murmure, ou si quelqu'un pense, tu n'entends pas, tu ne sais pas ce qu'il dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune différence indah. السر والعلانية عنده سواء نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième dars inshallah ta'ala. Il a classé les noms, vous avez remarqué, dans l'ordre alphabétique. On est toujours dans Al-Hamza, Al-Alif, Lafd al-Jalala, Allah, Al-Ahad, Al-A'la. Et vous avez remarqué, quand il a cité Al-A'la, il a cité Al-Ali avec Limadha li'anna, c'est le ma'na, c'est le même. C'est la même racine. Sifat al-ulu. Thumma, il a cité al-awwal, vu que ça commence par al-hamza, al-alif. Et il a cité les noms qui vont avec. Et quand ces noms ils reviendront dans l'ordre alphabétique, matalan, la lettre du ba, il va citer le batin. Lakin, il mettra une note comme quoi, taqaddam ma'na. Enfin, il a classé par ordre alphabétique, c'est tayyib, hada, pour rechercher, c'est simple. Et كذلك, quand un nom il est lié à un autre nom, il le cite avec, ou s'il a la même ma'na, il le cite avec, فهذا كذلك c'est نافع.